la richesse du monde sur leurs maigres échines. Ils font partie de ce qu'on appelle les moyens de production. Ils sont partout dans le monde, dans les usines, sur les routes, dans les chantiers, dans les champs, dans les chansons. Ils sont dans les ateliers, chez les petits patrons, ou sur les grandes chaînes de montage, chez les grands patrons. Il est ouvrier, elle est femme de ménage, elle est employée, ou il est au chômage. Ils ou elles font la même chose. Ils travaillent ou ils cherchent du travail. Ils travaillent souvent pour un maigre salaire, juste de quoi alimenter leur maigre misère. Ils travaillent évidemment pour gagner leur vie, et souvent ils la perdent trop tôt aussi. Ils ne possèdent rien à part leur force de travail. Ils ne possèdent rien, et pourtant Ils marchent. Beaucoup sont ignorants, mais peu sont imbéciles. Beaucoup sont intelligents, mais beaucoup sont serviles. Beaucoup ont de la dignité, mais certains l'ont vendu. Vivent du trafic et du deal, et en sont exclus. Beaucoup sont honnêtes et font ce qu'ils peuvent. Beaucoup font la fête pour oublier ce qui se passe autour d'eux. Beaucoup sont alcooliques et finissent raides comme une branche. Profite de la retraite entre quatre planches. Beaucoup sont fatalistes, beaucoup sont réalistes. Beaucoup sont idéalistes, beaucoup sont matérialistes. Beaucoup sont absentéistes parce que certains brouillent les pistes. Mais tous souffrent du système capitaliste. Chacun pour chacun et chacun fait de son mieux le comble. Ils sont seuls et pourtant si nombreux. Sans unité, une masse difforme et un mauvais mouvement, pas d'orientation. Et pourtant, ils marchent. Certains pleurent, certains rient, certains sont perdus donc. Certains prient, certains sont soucieux, certains sont anxieux, et certains sont combatifs, et certains sont peureux. Certains sont cocus, certains sont vieux garçons, certains sont amoureux, dévorés par la passion. Certains sont sportifs, et pas grand chose dans le cerveau. D'autres sont des cerveaux, mais complètement chétifs. Certains sont papy, mamie, papa, maman. D'autres élevés à la DAS, sans parents. Y'a des cœurs durs, des cœurs pris, des cœurs gros. Y'a des ordures, des murs gris, des corbeaux. Y'a des endettés et des entêtés, des enfants dégoûtés qui ne partent pas l'été. Y'en a même qui disent qu'ils sont heureux, mais écoutez-les, ouais, tous reconnaissent qu'ils sont exploités. Tous reconnaissent qu'ils sont exploités. Et pourtant, ils marchent. Ils ne possèdent que leurs bras, ils marchent. Mais ils ne sont pas unis, ils marchent. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils marchent. C'est une question de survie, ils marchent. Ils ne possèdent que leurs bras, ils marchent. Éparpillés des milliers, des millions, ils marchent. Et cherchent des perspectives. Il y a ceux qui font partie du peuple et les ennemis.